2300 nécros. J'appelle à la révolution, soldats, tout le monde garde à vous et prenez garde à vous. Sachant déjà nous tous ensemble, allons-nous pour la guerre, sachant d'agir solitaire. Une seule chose, c'est grâce à Scandal. Fuck l'État et ses lois. Écoute ma, moi je révolte, j'appelle à la révolution. 2300 est trop, je crois que c'est la seule solution. Ce sol, unissons-nous vu qu'on vit dans les mêmes ensembles. Et que toutes nos équipes se ressemblent dans le fraude et qu'on s'assemble afin de faire le même combat. Éviter les coups bas de cet état coupable de nous vouloir dans un sale état. Étant donné les circonstances en France, bien plus qu'insupportable, je pense qu'il est plus que temps de taper du poing sur la table. Allons-nous pour la guerre, cessons d'agir solitaire. Et peu importe notre épiderme, soyons plus que solidaires. Prenons les armes, quitte à faire couler des larmes hostiles. Soyons-le face au pays qui collectionne les guerres civiles. Donc, pas de volonté. 44, j'appelle la résistance dans les quartiers difficiles, à risquer même la douce France. Militant la rébellion sur le sol de notre enfance, vu que ça fout la gaule et contre la gaule, cher pays de ma souffrance. Faut militer, lutter contre ce système de fils de pute. Pour se faire gloser, faut être futé, jamais baisser son fut à l'aide brutale. Pourquoi se prendre la tête pour des broutilles? Au contraire, c'est des vénères, nique un keuf avec une bouteille. L'État faut l'enculer, tant calculant qui calcule pas. Il nous envoie ses agents pour nous faire basculer, mais faut se rebeller. Faut tout brûler pour les exterminer, que ça soit sanglant, dit d'un 8 mai ou d'un 14 juillet. Faut militer, lutter, faut les pieds. Sans réfléchir, laisse-moi agir la rage canalisée. Le président de l'État, faut le guillotiner. C'est pas ça, mais il n'y a plus besoin d'analyser. Faut militer, lutter, faut les piétiner. Sans réfléchir, laisse-moi agir la rage canalisée. Le président de l'État, faut le guillotiner. C'est pas ça, mais il n'y a plus besoin d'analyser. On parle de ça le soir dans tous les livres d'histoire. Même si je perds espoir dans cet univers illusoire. De toute façon on nous a toujours fait croire dans ce putain de pouvoir. On m'a dit proche la sortie, même si l'on est le pouvoir. Faut que les jeunes du ghetto accomplissent leur devoir. Qu'on arrête de s'entretuer, de s'embrouiller sur les trottoirs. Faut s'unir pour les punir, enfin les finir. Faire péter tous les comicos pour les faire courir comme en mai 68. Les voir prendre la fuite, leur montrer la défaite. Les humilier comme ils l'ont toujours fait. Sortir nos frères de tôle et les faire kiffer. Ce qui ferait de nous les maîtres de ce putain de pays. Une éruption de jeunes plus meurtrières qu'à ton pays. Les faire payer, les faire pleurer, crier, les plier. Et tout ça sans se faire prier. De toute manière dès la naissance on est tous grillés. Alors autant faire les kamikazes et même mon territoire ennemi. Éliminer l'ennemi, la mener sur les terminés. Soyons déterminés à vous verser la capitale. Car la chose capitale pour eux c'est leur capitale. Faut que c'est pour capitule devant notre putain de résistance en force. On donne l'assaut et prenez ça comme légitime défense. C'est l'état d'urgence dans l'état, dans un malheureux état. Serré dans les taux car on démarre notre coup d'état. Faut militer, lutter, faut les piétiner. La rage canalisée, le président de l'État, faut le guillotiner. Mais c'est pas ça, les fois y'a plus besoin d'analyser. Faut militer, lutter, faut les piétiner. Sans réfléchir, les fois agir la rage canalisée. Le président de l'État, faut le guillotiner. Mais c'est pas ça, les fois y'a plus besoin d'analyser. Tiens de reprendre la parole, d'autres mettre en parlant demain. Que toutes les armes sont sub, s'écartent, c'est une affaire de bonhomme. Pas pour les coups qui me concernent, moi j'appelle la guerre urbaine de manière ferme. Sans faire appel à leur putain de référendum. Que tous les volontaires me suivent pour mettre à terme à tout ça sans sucer. Quitte à même s'attirer des soucis, donc soyez sur la défensive en attente de l'offensive. Car si on baisse la garde, on pourrait sûrement des gencives. Alors prenez garde à vous et tout le monde garde à vous. Soldats du sol solide, à présent je m'adresse à vous. C'est un appel à la révolte, une incitation à l'émeute. Vu que c'est à nous de faire des nôtres, car aujourd'hui faut qu'on leur mette. Mais... c'est le dernier couplet. Donc je viens et je découplé, tel de ceux qui sucent l'état et qui derrière nous complotent. Faut qu'on s'organise et qu'on forme une putain de flotte. Anéantir Sarkozy, loi et tous ces putains de flics. C'est le NAS qui se pose, je te raconte pas des cracks. Même si t'écrans écoute le message car y'en a trop qui craquent. En une fraction de seconde ça peut partir en couille. Dis-moi qui n'a jamais rêvé de brûler une patrouille. Bien devenir le saint patron, ne pas avoir le trac. Jamais chier de fond franc même si ces bâtards te braquent. De toute manière quand tu regardes c'est pas la rage qui manque. Moi je m'en moque, tous ces fils de pute je vais tous les smoke. Mobilité, faut les piétiner, sans réfléchir, laisse-moi agir la rage canalisée. Le président de l'État, faut le guillotiner. Vu que c'est pas ça, les fois y'a plus besoin d'analyser. Faut militer, lutter, faut les piétiner. Sans réfléchir, laisse-moi agir la rage canalisée. Le président de l'État, faut le guillotiner. Vu que c'est pas ça, les fois y'a plus besoin d'analyser. Faut militer, lutter, faut les piétiner. Sans réfléchir, laisse-moi agir la rage canalisée.